Le matin, au réveil, en ouvrant ma fenêtre, le soleil m'accueille, le ciel est dégagé. En respirant à fond, je ressens dans mon être le bienfait de l'air pur pour me revigorer. Le matin, au réveil, en ouvrant ma télé, les nouvelles m'assaillent. Que de calamités! Un tremblement de terre, un train a déraillé, un nouveau génocide, des voitures incendiées. Le matin, au réveil, je me fous de la terre et j'éteins la télé pour voir le soleil luire. Je ne puis supporter la somme des misères. Devant tant de souffrances, je ne sais plus quoi dire. Le matin, au réveil, les mésanges m'attendent. Elles frappent au carreau pour réclamer du grain. Une jeune tourterelle, affaiblie, me demande quelques soins pour survivre jusque l'été prochain. Dans ma main, je la chauffe, la couche dans du coton. Son petit corps transi palpite à tout rompre. Elle tremble de froid et se couche en rond. Demain, tout ira mieux, ou alors je me trompe. Mon geste d'assistance paraît bien dérisoire. La tourterelle vivra, mais des enfants mourront. Derrière ma fenêtre, je peux y aller voir. Mais derrière la télé, je tourne le bouton.